pu sortir de cette forêt. Dieu sait jusqu'où cette bête m'a mené. Je croyais cependant l'avoir blessé à mort. Et voici mes traces de sang. Et maintenant, je l'ai perdu de vue. Je crois que je me suis perdu moi-même. J'entends pleurer. Oh, qu'y a-t-il au bord de l'eau? Une petite fille qui pleure au bord de l'eau. Elle ne m'entend pas, je ne vois pas son visage. Pleures-tu? N'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. Pourquoi pleurez-vous ici, toute seule? Ne me touchez pas, ne me touchez pas. N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas. Oh, vous êtes belle. Ne me touchez pas, ne me touchez pas, ou je me jette à l'eau. Je ne vous touche pas. Voyez, je resterai ici contre l'arbre. N'ayez pas peur. Donner une couronne, je vais essayer de la prendre. Non, non, je n'en veux plus, je n'en veux plus, je veux mourir, je veux mourir. Tout de suite. Je pourrais la retirer facilement, l'eau n'est pas très profonde. Je n'en veux plus, je veux la retirer, je veux que j'ai pour sa place. Non, non, je la laisserai là. Prendre sans peine cependant, elle semble très belle. Y a-t-il longtemps que vous avez fui? Oui, oui, comme les autres. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je n'en sais rien moi-même. Je chassais dans la forêt. Je poursuivais un sanglier. Je me suis trompé de chemin. Vous avez l'air très jeune. Quel âge avez-vous? Venir avec moi! Non, non! Je reste ici! Vous ne pouvez pas rester ici toute seule! Vous ne pouvez pas rester ici toute la nuit! Comment vous nommez-vous? Mélisande! Vous ne pouvez pas rester ici, Mélisande! Venez avec moi! Je reste ici! Vous aurez peur toute seule! On ne sait pas ce qu'il y a ici, toute la nuit, toute seule. Ce n'est pas possible, Mélisande, venez, donnez-moi la main. Oh, ne me touchez pas! Ne criez pas, je ne vous toucherai plus. Ce que nous ne voyons jamais que l'envers des destinées, l'envers même de la nôtre. Il avait toujours suivi mes conseils jusqu'ici. J'avais cru le rendre heureux en l'envoyant demander la main de la princesse reçue. Pas rester seul, et depuis la mort de sa femme, il est triste d'être seul. Et ce mariage allait mettre fin à de longues guerres, à de vieilles haines. Il ne l'a pas voulu ainsi, qu'il en soit. Grand-père, J'ai reçu en même temps que la lettre de mon frère une autre lettre. Une lettre de mon ami Marcellus. Il va mourir et il m'appelle. Il dit qu'il sait exactement le jour où la mort doit venir. Il m'a dit que je puis arriver avant elle si je veux, mais qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il faudrait attendre quelque temps cependant. Nous ne savons pas ce que le retour de ton frère nous prépare. Et d'ailleurs, ton père n'est-il pas ici, au-dessus de nous, plus malade peut-être que ton ami? Pourrais-tu choisir entre le père et l'ami? Est-ce d'allumer la lampe dès ce soir, Péléos? Encore fatigué de vous avoir attendu si longtemps. cherchions la clarté. Ici, le temps n'est plus qu'ailleurs, et cependant la mer est sombre. Nous aurons une tempête cette nuit, il y en a toutes les nuits depuis quelque temps, et cependant elle est si calme maintenant. On s'embarquerait sans le savoir, et l'on ne reviendrait plus. Les lumières sont très hautes, nous le verrons tout à l'heure quand il entrera dans la bande de clarté. Je sais si nous pourrons le voir, il y a encore une brume sur la mer. On dirait que la brume s'élève lentement. Oui, j'aperçois là-bas une petite lumière que je n'avais pas vue. C'est un phare! Que nous ne voyons pas encore. Le navire est dans le mieux. Il est déjà bien loin. Il s'éloigne à toute voie. Si le navire qui m'amène ici, il a de grandes voiles, je le reconnais à ses voiles. Il aura mauvaise mer cette nuit. Descendons par ici. Voulez-vous me donner la main? Voyez, voyez, il est maintenant de je vous soutiendrai par le bras. Le chemin est escarpé et il y fait très sombre.